Savez-vous compter, merdeux ? Je dis que l'avenir sera à nous. Si vous savez compter. Regardez ce que nous avons devant nous. Dès maintenant, vous vous trouvez avec 9 délégués de près de 100 bandes déjà. Et il y en a une bonne centaine de plus. Ce qui fait 20 000 membres, tous des fanas. 40 000 en comptant les affiliés. Et 20 000 de plus inorganisés, mais prêts à se battre. 60 000 soldats. En face, il n'y a pas 20 000 policiers dans toute la ville, on est d'accord? On est d'accord? On est d'accord?